50 languages. 82. 82. صيغة الماضي رقم 2. Passé 2. Passé 2. هل اضطررت إلى طلب سيارة إسعاف؟ Tu devais appeler une ambulance. Tu devais appeler une ambulance. هل اضطررت إلى استدعاء الطبيب؟ Tu devais appeler le médecin. Tu devais appeler le médecin. هل اضطررت إلى طلب الشرطة؟ Tu devais appeler la police. Tu devais appeler la police. أبحوزتك رقم الهاتف كان لدي منذ قليل. Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. أبحوزتك العنوان كان لدي منذ قليل. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. أبحوزتك مخطط المدينة كان لدي منذ قليل. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. هل أتى في الموعد؟ لم يتمكن من القدوم في الوقت المناسب. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. هل وجد الطريق؟ لم يتمكن من العثور عليه. Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin. Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin. هل فهمك؟ لم يتمكن من فهمي. Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre. Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre. لما لم تأتي في الوقت المناسب؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? لما لم تتمكن من إيجاد الطريق؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? لما لم تتمكن من فهمه؟ Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? لم أتمكن من القدوم لأن الحافلات لا تسير. Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. لم أتمكن من إيجاد الطريق إذ لم يكن لدي مخطط للمدينة. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. لم أتمكن من فهمه لأن الموسيقى كانت صاغبة بشكل. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. Je devais prendre un taxi. Je devais prendre un taxi. Je devais acheter un plan de ville. Je devais acheter un plan de ville. اضطررت لإطفاء المذياع. Je devais éteindre la radio. Je devais éteindre la radio.